aux descriptions acerbes du duc de Saint-Simon. En effet, on ne trouve nulle trace du petit homme maigre, effilé, chafouin, à mine de fouine, à physionomie d'esprit, qui était en plein ce qu'un mauvais français appelle un sacre, donc dans les peintures, les gravures, la sculpture, mais également les médailles qui célébraient le prélat. Donc au contraire, ces représentations fixent l'image d'un homme parvenu au plus haut rang d'une double carrière politique et ecclésiastique. Qu'elles aient été réalisées de son vivant ou posthume, ces images visent à immortaliser une ascension et un pouvoir donc hors du commun. La postérité, pourtant, ne retint pas ces images de gloire et rarement le décalage entre les représentations officielles et l'imaginaire populaire fut si important. Donc, sans doute à cause des satires et épigrammes publiés dès le vivant de Dubois, mais également donc, des mémoires de Saint-Simon ou de ceux totalement fantaisistes qui furent attribués pendant longtemps au cardinal en personne. Donc, cette prééminence du texte sur l'image s'explique aussi par le corpus relativement réduit des représentations du cardinal, surtout si on le compare à ses prestigieux prédécesseurs que furent les cardinaux Richelieu et Mazarin, dont les portraits, peints ou sculptés, sont beaucoup plus nombreux. Pourtant, le premier portrait... Pourtant, le premier portrait dont les sources attestent qu'il fut commandé par Dubois en personne apparaît comme un coup d'éclat, annonciateur d'autres chefs-d'œuvre. Le portrait du cardinal Parigot, que vous voyez ici à l'écran, rappelle en effet, par son caractère officiel, la puissance évocatrice, donc née du pinceau d'un artiste de génie, donc Rigaud, rappelle donc les grands portraits. Alors, par contre, là, je ne vois plus rien. Attendez. C'est bon. Merci. Donc, rappelle donc les grands portraits de Philippe de Champaigne, représentant Richelieu ou Mazarin. Toutefois, donc, malgré les promesses contenues par cette commande, la seule autre image forte du cardinal que l'on connaisse, donc la dernière, fut bien évidemment son priant, le portrait du cardinal en priant, partie de son mausolée exécuté par Guillaume Coustou. En effet, quand on se fie aux sources et aux œuvres qui ont pu parvenir jusqu'à nous, on constate que Dubois ne se souciait de son image qu'après avoir revêtu la pourpre cardinalis, et plus encore après avoir été nommé à la tête du gouvernement. La mort survenue quelques mois plus tard ne lui permit donc pas de s'entourer des artistes qui auraient été tout disposés à servir un personnage aussi riche et aussi puissant. Ainsi, à bien des égards, ce sont ses héritiers qui se chargèrent de perpétuer la mémoire du grand homme à l'origine de la fortune et du prestige durable de la famille. Donc, l'exposition organisée à Brive-la-Gaillarde au musée Ernest Rupin, devenu depuis le musée Labinche, en 1956, donc à l'occasion du tricentenaire de la naissance du plus illustre Brivois, donc le cardinal, fut la première et la dernière à représenter, à rassembler presque toutes les représentations connues du cardinal, à l'exception bien évidemment du chef-d'œuvre de Rigaud qui était alors dans une collection privée américaine. Parmi les différentes œuvres qui participaient à cette réhabilitation du cardinal, ministre de la paix, une toile représentant, voilà celle que vous voyez sur la gauche, le double portrait était noté comme représentant le duc de Chartres et l'abbé Dubois. Reproduit dans d'autres ouvrages contemporains de cette exposition, avec une attribution à Jean Jouvenet, ce double portrait divisa les spécialistes jusqu'à ce qu'Antoine Schnapper décide de ne pas l'inclure dans le catalogue raisonné de l'œuvre de ce peintre. Il est en effet tentant de reconnaître dans le jeune homme, dans le jeune aristocrate, le duc de Chartres et dans l'abbé, plus âgé, son précepteur. Mais pourtant, il est impossible que le petit-fils de France ait été représenté sans son cordon de l'ordre du Saint-Esprit, qu'il reçut donc à la naissance et qui est bien dûment figuré sur toutes les autres représentations que l'on connaît de l'époque. Donc, je vous ai mis notamment deux de ces gravures. De même, il semble que la veste ne soit pas... Alors, j'ai qu'une illustration en noir et blanc, malheureusement. Mais il semble que la veste ne soit pas de la couleur rouge de la maison d'Orléans, mais plutôt du bleu caractéristique de la livrée de la maison du roi, ce que pourraient également indiquer les galons que vous voyez notamment sur la manche. Enfin, le visage de l'abbé, plein, ne ressemble ni aux descriptions de Saint-Simon, ni au portrait, pourtant bien plus tardif, du cardinal, aux joues creuses, au visage un peu plus allongé. Aucun portrait de l'abbé Dubois n'est donc connu à ce jour. Il aurait pourtant eu maintes occasions de célébrer par des portraits les différentes étapes de son irrésistible ascension, tant durant sa jeunesse qu'à l'époque plus glorieuse de la Régence. De même, les différents bénéfices ecclésiastiques qu'il accumula à partir de 1689 ne semblent pas avoir motivé l'envoi de portraits dans les collèges et abbayes où il était commendataire. Le manque de sources est d'ailleurs ici particulièrement cruel, puisque l'inventaire, alors Alexandre Duplay l'a dit ce matin, l'inventaire après décès du cardinal aurait pu mentionner des portraits aujourd'hui disparus, mais dressés par le notaire Patu en septembre 1723, il semble avoir disparu, puisque les archives de cette étude n'ont pas été versées ou ont disparu pour les années 1721-1730. De même, l'inventaire après décès du régent ne mentionne aucune œuvre relative à son ancien précepteur et ministre. Et enfin, l'inventaire dressé à la mort de Joseph Dubois, le frère aîné donc du cardinal, fait état de plusieurs portraits de Louis XIV, de Louis XV, du régent et de son fils, qui étaient finalement très communs à l'époque, mais pas de portrait donc de son frère, le cardinal. Alors, seul Cambrai conserve dans son musée diocésain un portrait de Guillaume Dubois. Alors, je ne voulais pas reproduire ici parce que cette œuvre est très mal documentée, sans aucun historique précis, mais c'est une huile sur toile de mauvaise facture qui ne représente pas l'archevêque-duc de 1720, mais le cardinal. Elle dérive également, comme toutes les autres répliques que nous allons voir, du chef-d'œuvre commandé par Dubois au plus grand portraitiste de son temps, Hyacinthe Rigaud. Alors, dans sa récente biographie sur notre personnage, Alexandre Dupillet montre combien Dubois s'inspira de ses illustres prédécesseurs, le cardinal Richelieu et plus encore le cardinal Mazarin, véritable modèle. Dans cette logique, la dignité cardinaliste apparaît pour Dubois, comme je me permets de vous citer, le meilleur moyen de s'assurer un avenir politique, une étape indispensable avant les lettres patentes qui, le 22 août 1722, le nommeront Premier ministre, fonction d'ailleurs qui n'avait jamais été plus exercée depuis la mort de Mazarin. Alors, malgré l'omniprésence de la Kappa Magna rouge, qui dans le foisonnement de ses plis occupe la moitié de la composition, le grand portrait de Hyacinthe Rigaud ne campe pas uniquement le cardinal, mais représente Dubois en sa double qualité de prince de l'Église et de premier ministre, ainsi que l'atteste l'historique de la commande et l'iconographie de ce portrait. En effet, le peintre mentionne cette toile dans son livre de raison, c'est-à-dire le livre où il marque toutes les commandes qu'il reçoit. D'ailleurs, je vous ai mis en haut un extrait de ce manuscrit qui conservait la bibliothèque de l'Institut. Valant 3000 livres, cette commande est la première à être notée pour l'année 1723, ce qui indique que la commande aurait pu être passée à la fin de l'année précédente. Rigaud exécuta également les portraits de Joseph Dubois et de sa femme Marie-Anne David de la Plagne, vraisemblablement commandés en même temps, et peut-être payés par le cardinal, puisque le livre des raisons indique Dubois, son frère et sa femme. Payés 1000 livres, ces portraits ne sont aujourd'hui plus localisés, on connaît une réplique seulement du frère de Dubois que je vous montrerai après, et c'était des simples portraits en buste, de dimension bien moindre, bien évidemment, que ce grand portrait du cardinal, mesurant 146 par 113 cm. Donc si aucun document ne permet de préciser la date précise de la commande, alors on a un parfait paiement en 1725, deux lettres adressées au cardinal par son neveu Jean-Baptiste donnent des indications quant à la progression de l'exécution de l'œuvre. Ces deux lettres ont été envoyées les 12 et 13 février 1723 et elles montrent qu'à cette date, le portrait était en cours d'exécution. Alors je cite « Monsieur Rigaud, ne pouvant donner votre chape rouge ni le rocher jusqu'à ce que le portrait de votre éminence soit achevé. Cela jette dans un embarras qui empêchera votre éminence de pouvoir se servir de la fourrure de la chape rouge pour la chape violette. » La toile fut présentée à l'exposition de la jeunesse, donc sur le Pont Neuf et sur la place Dauphine, les jours de la petite et de la grande fête Dieu, donc en juin 1723, ainsi que le relève le journaliste du Mercure, qui cite d'ailleurs, je me permets de le citer, pardon, « Le portrait de Monsieur le cardinal Dubois, Premier ministre, grand comme le naturel, peint par Monsieur Rigaud, fut aussi exposé. Son éminence paraît assis en habit de cardinal avec quelques attributs de ses grandes dignités. » Ainsi, Dubois, qui est malade donc, dès juillet 1723 et qui va décéder le 10 août 1723, n'a que très très peu profité de son portrait, qui pourtant est une synthèse des ambitions de toute une vie. Le choix de Hyacinthe Rigaud ne saurait surprendre. Premier peintre de l'Europe pour la ressemblance des hommes et pour une peinture forte et durable, selon Saint-Simon, Rigaud s'attacha rapidement à une clientèle de prélats. Son premier chef-d'œuvre dans ce domaine est le portrait en pied de Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, qu'il peignit donc en 1701-1702. Mais en vérité, Rigaud mit au point la composition typique de ses portraits de grands ecclésiastiques dès 1685 avec le portrait de Hyacinthe Séroni. En effet, l'archevêque d'Albi est assis dans un imposant fauteuil près d'une table sur laquelle sont disposés les accessoires de ses puissantes fonctions, l'encrier, le livre et même une croix, il me semble. Et enfin, ces puissantes fonctions sont indiquées donc par la majesté colorée de son habit, dont les plis vont devenir, au gré des commandes successives de Rigaud, de plus en plus imposants, jusqu'à envahir totalement la toile, comme sur le portrait de Dubois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dubois passe commande en 1723 de son portrait à Rigaud, il est quasiment assuré que la commande sera réussie, puisque Rigaud a déjà fait preuve de tous ses talents. Et comme l'affirme Stéphane Perrault, spécialiste donc de Rigaud, sans doute l'artiste a-t-il dépassé les attentes de son prestigieux modèle, puisque non content de redoubler d'imagination, Rigaud fixa de manière presque définitive une composition grandiose mêlant homme de cour et homme d'église. Et on retrouvera d'ailleurs le même type de composition sur le portrait du cardinal de Fleury que Rigaud fera quelques années après. Donc, dominant la composition, dont elle occupe toute la moitié inférieure, la chape prélatis, dite aussi capa magna, est assurément le morceau de bravoure de cette peinture. Elle est déployée sur tout le premier plan et isole dans ses plis le bras du fauteuil, dont la richesse est ainsi relevée et s'étend jusqu'à l'espace qui était auparavant réservé au bureau, rendant presque secondaires les objets, pourtant symboliques, qui y sont placés. Rigaud s'attache à représenter avec brio les reflets chatoyants de la soie rouge, qui étaient donc réservés aux seuls cardinaux, de manière à contraster avec la blancheur du chaperon en hermine, sans moucheture, véritable pyramide qui donc, tout en jouant avec les sens du spectateur, conduisent son regard vers le visage du cardinal. Il n'est évidemment pas innocent que les effets de matière si bien rendus se doublent d'une représentation fidèle de l'habit d'apparat. Comme en témoigne l'une des lettres que j'ai précédemment citées, la consigne était claire. Il ne faut point ôter des mains de M. Rigaud la chape rouge jusqu'à ce qu'il ait achevé le portrait. Donc cette chape et la barrette que Dubois tient dans sa main, posée sur ses genoux, chèrement acquise, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, après plusieurs déceptions, assayait bien plus que le sacre de Cambrai le statut social de l'ancien abbé, et ce en dépit des éventuels aléas politiques. Malgré les apparences, la pourpre cardinalis n'est pas le seul sujet du tableau. À l'occasion de l'achat de cette peinture par le Musée des Beaux-Arts de Cleveland en 1967, Anne Tutcher-Lowy publia une première étude détaillant justement les quelques attributs de ces dignités que mentionne le journaliste du Mercure. Donc c'est en arborant un visage épanoui, souriant, on peut même dire satisfait, marqué par un regard vif, encadré donc par une petite perruque grise et pas blonde, comme dit Saint-Simon, d'où dépasse la petite calotte rouge, que Dubois tient dans sa main un billet adressé au roi. Contrairement à ce qu'affirme Anne Tutcher-Lowy, le billet adressé à son souverain, qui est très commun dans ce genre de portrait d'apparat, n'est pas forcément une allusion à la proclamation de la majorité de Louis XV, dans laquelle pourtant Dubois prit une part active. En effet, le lit de justice de la majorité du roi se tint au Parlement le 22 février 1723, alors que le tableau, comme on l'a vu grâce aux lettres, était en cours d'exécution dans l'atelier de Rigaud. Le billet destiné à son souverain évoque plutôt la charge de Premier ministre, qui, par sa fonction d'intermédiaire entre les secrétaires d'État et le régent, et donc le roi, impliquait un travail quasi quotidien avec Louis XV. Or, la nomination de Dubois au ministériat, le 22 août 1722, correspond, toujours selon vous, M. de Pilet, à une période où le jeune roi et le cardinal étaient devenus fort proches. Alors, outre la lettre très lisiblement figurée, d'autres objets rappellent le rôle essentiel du cardinal ministre dans les affaires de l'État. Ainsi, deux des quatre ouvrages représentés à l'arrière-plan, intitulés respectivement de gauche à droite « Ordonnances et traités », alors on les voit mal, mais faites-moi confiance, concernent explicitement les activités administratives et restrictive, matrice, pardon, du Premier ministre, ou tout du moins les lois royales qu'il devait faire appliquer. Au dos du troisième livre se distingue en lettres d'or Hugo Grotius. Alors Hugo Grotius, c'était un historiographe, un théologien et un poète né dans les Provinces-Unies, mais ayant vécu en France, où deux de ses ouvrages, donc De Iure Belli ac Pacis, Le droit de la guerre et de la paix, et Le Mare Liberum, de la liberté des mers, influencèrent durablement les conceptions du droit international. Donc en fait, Dubois se réclame de cet humaniste, également juriste, qui en plus, en sa qualité d'ambassadeur de Suède en France, côtoya le cardinal Richelieu. Le dernier livre est le Pentateuque, et donc c'est une allusion évidente à la religion que le cardinal Dubois se devait de défendre. Le Pentateuque désigne les cinq premiers livres de la Bible, dans lesquels sont mêlés récits historiques et prescriptions religieuses. Et le Pentateuque peut également signifier que les lois du royaume dépendent d'un cadre chrétien, le catholicisme étant bien sûr le fondement de la monarchie du droit divin. À côté de l'encrier et de la plume avec laquelle l'infatigable travailleur vient d'écrire son billet au roi, sont représentés trois importants sceaux ronds que la gravure faite par Drevet, que je vais un peu analyser plus tard, à partir du tableau, permet de mieux distinguer. Alors si le premier sceau, juste en dessous de la main du cardinal, est peu identifiable, alors peut-être ce serait le lion espagnol, mais j'en suis pas sûr, les deux autres sont de nouvelles allusions à la politique du Premier ministre. Le sceau le plus à droite, près du cadre, est orné de l'aigle impérial autrichien, qui rappelle les talents de diplomate, donc de Dubois, fondement de son irrésistible ascension dès le début de la Régence. Le dernier sceau est quant à lui un peu moins reconnaissable. Anne Tutcherlewy y voit deux allégories féminines encadrant un souverain trônant sous son dé, c'est-à-dire le sceau de France que l'on a posé sur les traités, traités qui sont représentés par les feuillets posés sur le bureau. Ce portrait d'apparat, bien que destiné à un usage privé, témoignait avec éclat d'ambition réussie et plaçait le cardinal ministre dans la lignée de ses prédécesseurs prestigieux. Il motiva également la commande de copies destinées aux proches de Dubois. Le livre de raison mentionne en effet l'exécution, toujours en 1723, de deux copies vraisemblablement faites par l'assistant de Rigaud nommé Lapenay. Ce dernier fut en effet rétribué la même année 6 livres pour avoir ébauché une tête de monsieur le cardinal Dubois et 40 livres pour une copie en buste du même cardinal. Ces deux portraits en buste, pour chacun desquels Rigaud demandait 300 livres, étaient explicitement destinés au neveu du cardinal, donc Jean-Baptiste Dubois, et à monsieur le chevalier Schaub, je ne sais pas comment on prononce. Bon. Alors Lucas Schaub, chargé d'affaires d'Angleterre en France, que Rigaud portraitura en 1721, vous voyez ici à l'écran, fut un ami proche de Dubois, avec qui il traita donc dès ses premiers pas dans la diplomatie internationale. Envoyé à Londres, ce tableau est peut-être celui qui passa en vente donc à Munich en 2011. Et je vous ai mis ici, bien sûr, la photographie de ce tableau qui est plutôt de belle facture. Si le visage reste identique, le chaperon d'Hermine a fait place donc à la soie rouge afin que la dignité cardinaliste de Dubois, ici dépouillée donc de ses autres attributs, reste bien éclatante. L'autre réplique atteste, quant à elle, de l'importance du cercle familial sur lequel toute sa carrière durant, Dubois s'appuya. En effet, son neveu, en 1723, était le fils de son frère aîné Joseph, c'est-à-dire Jean-Baptiste Dubois, que le cardinal favorisa, puisque notamment il lui donna les revenus de la chanoinie de Saint-Honoré qu'il touchait, puisque Jean-Baptiste était lui-même chanoine à la collégiale Saint-Honoré à Paris. Et c'est Jean-Baptiste, on va le voir, qui va jouer un rôle important dans la commande du mausolée de son oncle. Bien qu'aucune source ne l'atteste, l'inventaire après décès de Jean-Baptiste Dubois n'a pas été retrouvé, mais il est possible que cette réplique soit celle actuellement conservée chez les descendants de Jeanne Dubois, une cousine du cardinal, et que Madame de La Forest, grand-mère de l'actuel propriétaire de cette réplique, dont je ne vous ai pas mis la photo, mais qui est exactement la même que celle que vous voyez à l'écran, avait prêté donc à Brive en 1956 lors de l'exposition. Donc, outre le grandiose portrait de Rigaud, Dubois souhaita commémorer ses succès politiques à travers des médailles, qui elles aussi semblent avoir été destinées à un usage à la fois personnel et familial. à travers les commandes de prestige, ces commandes, parce que l'art de la médaille, c'est un art lié au prestige, Dubois s'inscrivait une nouvelle fois dans la lignée de Richelieu et surtout de Mazarin, grands amateurs qui passèrent d'importantes commandes de médailles, célébrant leurs actions politiques. Toutefois, même s'il s'adressa aux plus talentueux artistes dans ce domaine à l'époque, les médailles que Dubois fit réaliser restent très modestes en comparaison de celles de ses prédécesseurs qui étaient en or et qui parfois pouvaient avoir cette taille. Donc, en effet, Jean Duvivier, graveur des médailles du roi, membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture, conçut deux types de médailles de 15 lignes de diamètre, c'est-à-dire environ 3,4 cm, ce qui les rapproche plus des simples jetons que des véritables médailles commémoratives. De la première médaille commandée en 1722, ne sont connus uniquement les deux coins en acier conservés à la Monnaie de Paris. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller les photographier. Ils sont gravés en creux, bien évidemment, ce sont des coins qui servent à frapper la médaille, et ces coins correspondent à la description que fit l'abbé Gougenot dans sa vie de Monsieur Duvivier. Au droit est représenté le cardinal de profil, avec en légende son titre de cardinal et de premier ministre, tandis qu'au revers, je cite Gougenot, une vaste campagne avec un arc-en-ciel et un aigle dans les airs portant le foudre comporte pour légende Cedes supremo numine digna. Alors, pouvant être traduite par position digne de la plus haute divinité, cette métaphore du ministériat de Dubois parut trop sublime selon Gougenot, et on le comprend. Et après la mort du cardinal, on a fait un autre revers où l'on a écrit ces mots qui servent de suite à la légende qu'on lit sur le côté où est gravé son portrait. Donc c'est la légende que vous voyez ici qui donne juste simplement les titres d'archevêque pardon, et de prince de Cambrai, la date de vie et de mort de Dubois. Et l'exemplaire de cette seconde médaille est conservé au cabinet des médailles à Paris, donc c'est la photographie que je vous ai mise, et en bronze, elle mesure bien ces fameuses 15 lignes de diamètre, et elle montre au droit donc, le profil aiguisé du cardinal qui porte sa calotte et un chaperon au pli délicatement ciselé par Duvivier, qui est vraiment le plus grand médailleur de l'époque. Elle a été exécutée donc après le décès du cardinal, puisqu'elle est datée 1723, et elle trahit certes une volonté de célébrer la mémoire du grand homme, mais surtout la volonté de célébrer la mémoire à l'économie, puisqu'en effet, on se contenta de remployer le premier coin droit, celui avec donc le portrait en médaillon le portrait en profil du cardinal, et pour le revers, on mis une légende, c'est-à-dire que c'était beaucoup moins coûteux que la création d'un nouveau coin avec un paysage ou des figures allégoriques. Alors, pourtant, comme l'indique Gougenot, ce simple revers légendé a servi à très peu de médailles. Alors, dans ce cas, est-ce que c'est la frappe de la première médaille, celle avec cette légende si orgueilleuse, qui aurait été privilégiée ? Alors, le compte que rend Messire Joseph Dubois des recettes et des dépenses dressées à la mort de son frère, le cardinal, mentionne pas moins d'une trentaine de médailles, c'est-à-dire 6 médailles en bronze représentant Monseigneur le cardinal Dubois, lesquelles ont été par lui achetées pour être distribuées entre messieurs les co-héritiers, et 24 médailles représentant son éminence, dont 12 en bronze et 12 en argent, qui lui ont été rapportées par quelqu'un qui n'a pas voulu se nommer et qui les a laissées à son domestique. Bon. Alors, datée du 4 avril 1725, ces deux mentions ne permettent pas de savoir laquelle des deux médailles, celle avec la légende ou celle avec l'allégorie, fut frappée donc à une trentaine d'exemplaires. Mais ça atteste toujours ce désir de commémoration dans le cercle étroit familial. En effet, le partage des médailles entre les héritiers fut scrupuleusement observé et au gré des sources, on constate que d'autres médailles différentes, de formats différents, furent frappées. L'inventaire après décès de Joseph Dubois, donc le père de Jean-Baptiste, dressé en 1740, mentionne ainsi une médaille d'or représentant Monseigneur le cardinal Dubois pesant une once 12 grains, qui n'a malheureusement pas été retrouvée et qui, elle, pour le coup, grâce à la matière, témoigne du prestige que continuait à exercer le grand homme dans sa famille. Donc ces médailles invitent à interroger le rôle de Joseph et de Jean-Baptiste Dubois dans la commémoration posthume de leur frère et oncle, le cardinal ministre, et de là, si vous voulez, dans le maintien, dans la permanence et la diffusion de son iconographie. En effet, les œuvres commandées du vivant du cardinal, c'est-à-dire le portrait de Rigaud et la médaille de Duvivier que je viens de vous montrer, servirent de modèle à des répliques peintes ou gravées qui apparurent après la mort de Dubois. Joseph et Jean-Baptiste jouèrent un rôle certain dans la célébration de la mémoire du cardinal, en tout cas dans sa ville natale. En effet, Joseph, grand voyer de France et maire perpétuel de Brive, qui œuvra d'ailleurs à l'embellissement de la ville, eut à cœur de perpétuer la mémoire de son frère, dont l'éclat rejaillissait bien évidemment sur toute la famille. C'est sans doute par son entremise que Jean-Baptiste Dubois passa commande en 1727, au sieur Lefeur, peintre, d'une copie du portrait en buste de Monseigneur le Cardinal pour envoyer au père de la doctrine chrétienne de Brive, ainsi que d'une réplique du portrait de Joseph par Rigaud, dûment encadré par le sieur Le Tourneur. Alors, il est tentant de voir dans le portrait du cardinal conservé au musée Labinche de Brive, donc, que vous voyez ici encadré, cette fameuse réplique peinte par cet artiste inconnu qui est Lefeur, qui permet de montrer que la composition étant inversée par rapport au portrait en buste de Rigaud, sans doute ce portrait a-t-il été peint à partir d'une gravure faite elle-même à partir de la réplique de Rigaud. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous voyez. Bon. Alors, la gravure fut en effet le premier vecteur de diffusion de l'iconographie du cardinal. Le dessin et la gravure qui en découla, donc le dessin de travail préparatoire à l'exécution de la médaille de Duvivier, a servi de modèle, en effet, à de très nombreuses gravures, puisqu'on retrouve en effet le cardinal de profil sur à peu près une dizaine de gravures. Alors, je ne les ai pas toutes mises à l'écran, bien sûr, mais en tout cas, vous en voyez au moins deux, où l'on voit le cardinal tantôt regardant vers la gauche, tantôt vers la droite. Placé sur une console parfois surmontée d'un cartouche légendé, le médaillon imite alors la sculpture et notamment les portraits funéraires. Les différentes adresses que l'on voit parfois au bas de ces gravures, qui sont relevées pour la même composition, attestent la circulation des modèles, tandis que les légendes, parfois en langue anglaise ou parfois en allemand, attestent donc d'une diffusion européenne, vraisemblablement destinée à l'édition, à ces séries de portraits historiques que l'on apprécie à l'époque. Faisant preuve d'ingéniosité, certains graveurs adaptèrent le profil de la médaille du cardinal, n'hésitant pas à le transformer en buste à pied douche, posé sur une console, sur un socle, aux armes du prélat. Toutefois, les plus belles gravures furent celles exécutées à partir du grand portrait et des répliques de Rigaud, qui, selon son habitude, en contrôla la production, vraisemblablement en accord avec les héritiers du cardinal. Alors, Claude Roy, qui grava également les portraits par Rigaud de Bossuet et du cardinal de Fleury, est l'auteur donc, de cette belle estampe au burin et à l'eau forte, représentant le cardinal en buste avec son petit chaperon d'hermine. Mais la plus belle gravure, qui est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de gravure du XVIIIe siècle, est celle réalisée par Pierre Humbert Drevet en 1724, sans doute sous le contrôle étroit de Rigaud, comme il avait l'habitude de le faire. Alors Pierre Humbert Drevet est l'élève du célèbre graveur Pierre Drevet. Il était alors âgé de 27 ans lorsqu'il grava au burin le portrait du cardinal sur une plaque de 43 par 35 cm. Alors, on a relevé deux états de cette gravure. Le premier sans les armoiries ni la légende. Et le deuxième, c'est celui que je vous montre ici, qui est conservé d'ailleurs à Versailles et qui donc montre vraiment un travail exceptionnel de gravure, puisque vous voyez que le graveur réussit absolument à représenter tous les détails, les effets de matière, etc., et les moindres détails, justement, dans un souci de respecter l'iconographie peinte par Rigaud. Ce qui est intéressant, c'est que selon Mariette, cette estampe aurait été commandée par Claude Rigaud, directeur depuis 1707 de l'imprimerie royale. Or, j'ai trouvé dans l'inventaire, dans la succession du cardinal, un paiement fait à Louis-Laurent Anisson, neveu de ce Claude Rigaud et surtout son successeur à la tête de l'imprimerie royale, où il est mentionné que les héritiers du cardinal devront donc payer 3 000 livres pour la plaque pour un retirage de la plaque. Alors cela signifierait qu'un premier tirage à partir de la plaque de cuivre de Drevet aurait été fait à l'époque de Claude Rigaud et qu'un second aurait été fait par Anisson. Et je rentre un peu dans ces détails parce que dans la suite de la succession, on voit un paiement à Drevet, donc où on lui demande, les héritiers demandent à Drevet de réaliser un millier d'estampes, payer 40 livres le cent, donc 400 livres en tout, ce qui montre là aussi la volonté qu'ont les héritiers de diffuser le portrait du cardinal. De même, ce sont, alors d'ailleurs vous voyez ici les armes du cardinal, surmontées de la couronne ducale, puisque en sa qualité de prince-archevêque de Cambrai, il était aussi duc et prince de l'Empire. Donc je vais vite. Alors du même, ce sont les héritiers du cardinal qui se chargèrent d'ériger le mausolée, image posthume du cardinal qui rivalise par sa puissance expressive avec le portrait de Rigaud. Alors bien qu'on ne sache pas dans quelles circonstances cette prestigieuse commande échue à Guillaume Coustou, le choix n'avait rien d'aberrant, puisque né en 1677, formé par son frère aîné Nicolas et son oncle Antoine Coisevaux, Coustou connaissait, grâce à son séjour romain, les grands monuments funéraires italiens et en plus avait exécuté en 1715 la statue agenouillée donc, de Louis XIII offrant sa couronne et son sceptre à la Vierge qui est toujours conservée dans le cœur de Notre-Dame. On retrouvera cette attitude, bien sûr, dans le mausolée du cardinal. Pourtant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1723-24, lorsque les héritiers passent commande de son mausolée à Coustou, l'artiste n'avait pas encore, si vous voulez, créé un monument aussi important. Il avait réalisé le monument de cœur de Louis XIV, qui est détruit, et un autre monument funéraire, du marquis d'Argenson, dont on a les vestiges dans nos collections à Versailles, mais qui est relativement modeste comparé à ce grand monument. En effet, on conserve deux dessins du XVIIIe siècle qui nous permettent de connaître l'élévation complète de ce monument, l'un à la Sanguine, qui est conservé à Carnavalet, et l'autre qui est conservé au cabinet des estampes à Paris. Alors, ce que l'on voit, c'est intéressant parce que, si vous voulez, on conserve dans les archives privées du cardinal Dubois, qui sont conservées aux archives nationales, les allers-retours entre les héritiers du cardinal et les chanoines de Saint-Honoré, puisque le monument était destiné, bien évidemment, à la collégiale de Saint-Honoré, dont le cardinal Dubois avait été chanoine honoraire dès 1689. C'était son premier bénéfice ecclésiastique. En plus, son neveu Jean-Baptiste était lui-même chanoine, et c'est ce neveu-là qui fit l'intermédiaire entre la compagnie de chanoines et les héritiers. Et alors, je vous passe les détails, mais en gros, dans un premier temps, le mausolée devait être installé au-dessus de la sacristie, au cœur même du sanctuaire, c'est-à-dire vraiment au plus près du maître-autel. Sauf qu'ayant jugé que le mur de la sacristie était trop faible pour soutenir ce monument-là, ils proposèrent de le déplacer dans la chapelle de Notre-Dame des Vertus, chapelle de la Vierge, qui était en fait juste à l'entrée de l'église, à droite. Et c'est paradoxal parce que, si vous voulez, autant avant le cardinal regardait, bien sûr, et priait vers l'autel, alors que là, tout était inversé et en fait, son visage regardait l'entrée. Et donc, ce qu'on trouve dans les textes de l'époque, le peuple. Et les guides du XVIIIe siècle ne comprennent pas cette disposition. Je me permets de citer, je suis perdu, Thierry, qui publie son guide de Paris. « La tête du cardinal est tournée du côté de la porte de l'église, ce qui doit paraître singulier, mais on cessera d'être étonné lorsqu'on saura que ce mausolée avait été fait pour être placé sous une arcade à droite du maître-autel. » Alors, quelle est l'iconographie ? Vous avez le cardinal en priant, avec devant lui le miserere ouvert, qui apparemment à l'époque était très lisible. Et bien évidemment, on voit, je crois, la croix épiscopale et sa mitre. Sur le sarcophage, qui était en marbre brun, vous aviez les armes du cardinal en bronze. Vous aviez en dessous l'épitaphe en lettres d'or sur marbre noir, avec, hop, j'ai mis des détails, une tête de mort encadrée par deux ailes de chauve-souris, symbole bien évidemment de la nuit éternelle. Le cardinal se détachait quant à lui sur une pyramide de marbre, symbole de gloire, ornée de guirlandes de cyprès et surmontée d'une urne cinéraire en bronze. Alors malheureusement, en 1791, l'église, la collégiale de Saint-Honoré a été détruite et le monument a été démantelé et transféré au musée des monuments français, où l'on a perdu tous les ornements en bronze, l'épitaphe et le sarcophage, si bien que la restauration, lorsque on ne put remettre à Saint-Roch, où d'ailleurs vous pouvez l'admirer aujourd'hui, uniquement la figure en priant du cardinal. Alors, Coustou, comme on le voit, cette iconographie tournée sur la mort, l'éternité, et surtout, à première vue, tournée vers les fonctions ecclésiastiques cardinalistes donc de Guillaume Dubois. Et en fait, c'est l'épitaphe qui rappelle que la carrière politique du prélat. Je vous l'ai mis ici, puisqu'elle était en latin, et j'ai trouvé une traduction que je vous lis ici. Dieu, maître de tout, sigit près de l'autel majeur dans le caveau des chanoines, Guillaume Dubois, cardinal de la Sainte Église romaine, archevêque et duc de Cambrai, prince du Saint-Empire, membre du conseil privé du roi, chargé de mission et ambassade, premier ministre du royaume, surintendant des courriers de France, chanoine honoraire de cette église. Alors écoutez la suite parce que c'est très amusant. Mais au fait, que sont ces titres ? Arc-en-ciel irisé, fumée légère, apparence fugitive. Passant, demande à Dieu pour ce défunt des biens plus solides et plus stables. Il nous a quittés l'an 1723, à l'âge de 67 ans. Ses héritiers reconnaissants envers le roi et le souverain pontife ont élevé à sa mémoire ce monument. J'aimerais, avant de conclure, vous montrer... Alors, je passe là-dessus parce que, pour vous dire tout simplement qu'au XIXe siècle, les deux chefs-d'œuvre que sont le portrait de Rigaud et le monument de Coustou vont inspirer des œuvres de qualité assez médiocres et qui sont chez nous à Versailles. Pour les galeries historiques de Louis-Philippe, le roi des Français commande à un artiste totalement oublié aujourd'hui à raison, donc Lefebvre, un portrait du cardinal qui réalise donc bien évidemment à partir d'une des répliques de Rigaud. Et pour le portrait du cardinal de Fleury qui avait disparu à la Révolution, tout simplement il fait mouler à Saint-Roch la chape cardinaliste de Dubois. Il fait réaliser à partir du portrait du cardinal de Fleury par Rigaud le visage, il agence les deux et vous avez ainsi les deux cardinaux ministres réunis comme ça voilà, en plate pour les galeries historiques. Mais voilà, c'est le dernier objet que je voulais vous montrer. Et c'est une œuvre absolument étonnante qui a été récemment acquise par le musée Labinche de Brive-la-Gaillarde et qui permet justement d'évoquer ces jeux iconographiques qui eurent lieu, qui se développèrent après la mort du cardinal Dubois. Alors c'est un objet très énigmatique qui était jusqu'en 2017 donc chez les descendants du cardinal à Brive. Et ça passait dans la famille pour être un globe de dévotion privée. Alors il s'agit d'un globe en verre d'une trentaine de centimètres de diamètre avec à l'intérieur une scène figurée à l'aide de papier, de carton, de textile, et les visages semblent être en verre filé de Nevers. Alors, les descendants y voyaient là l'élévation de Dubois au cardinalat. Sauf qu'en fait, il semblerait que, si l'on se fie aux sources, que ce soit plutôt son sacre d'archevêque de Cambrai, donc prince et duc de Cambrai. En effet, on a plusieurs gazettes qui relatent l'événement. On a aussi des chroniqueurs qui donnent des descriptions assez acerbes de cette cérémonie qui eut lieu le dimanche 9 juin 1720 à 9h, en présence du régent, de son fils et de toute la cour, rien moins que dans l'église de l'abbaye royale du Val-de-Grâce. Mais alors, je ne résiste pas ici à vous lire la description de la cérémonie, description absolument acerbe qu'en fit le duc de Saint-Simon, qui essaya bien sûr de convaincre le régent de ne pas assister à cette cérémonie donc faite à son ancien précepteur à peine tonsuré. Il est vraiment choqué du sacre de Dubois. En effet, la description de Saint-Simon, vous allez le voir, correspond à peu près au nombre de personnages et à la scène représentée. Le cardinal de Rohan, ravi de faire contrant tout au cardinal de Noailles et de profiter du refus qu'il avait fait à l'abbé Dubois de lui permettre d'être ordonné dans son diocèse, saisit un si précieux moment de faire bien sa cour au régent et de s'attacher son ministre en s'empressant, pour faire la cérémonie. En effet, un cardinal de sa naissance, évêque de Strasbourg, et brillant de toutes sortes d'avantages, était un consécrateur fort au-dessus de tous ceux que l'abbé Dubois aurait pu désirer. À l'égard des deux évêques assistants, Nantes y avait un tel droit par l'ordination qu'il avait osé donner à l'abbé Dubois qu'il n'y avait pas moyen de lui préférer personne. Pour l'autre assistant, Dubois crut en devoir chercher un dont la vie et la conduite pût être un contrepoids. Il voulut Massillon, célèbre prêtre de l'oratoire, que sa vertu, son savoir, ses grands talents pour la chair avaient fait évêque de Clermont, parce qu'il en passait quelquefois, quoique rarement, quelques bons parmi le grand nombre des autres qu'on faisait évêque. Bon. Massillon, au pied du mur, étourdi, sans ressources étrangères, sentit l'indignité de ce qui lui était proposé, balbutia, n'osa refuser. Mais qu'eût pu faire un homme aussi mince, selon le siècle, vis-à-vis d'un régent, de son ministre et du cardinal de Rohan ? Il fut blâmé néanmoins, et beaucoup dans le monde, surtout des gens de bien de tout parti, car en ce point l'excès du scandale les avait réunis. L'Église fut superbement parée, la France invitée. Personne n'osa hasarder de ne s'y pas montrer. Alors on reconnaît, grâce à cette description, les trois personnages mitrés, donc le cardinal de Rohan, qu'on voit en tant que donc, consécrateur, au centre, assisté de l'évêque de Nantes et de Massillon, et deux autres personnages que je n'identifie pas, qui sont donc assis sur un luxueux fauteuil. Alors, Dubois est agenouillé devant le cardinal de Rohan, consécrateur principal, qui, après avoir posé les mains sur la tête de Dubois, donc l'ordinant, s'apprête à y placer le livre des évangiles. Et ce qu'on a donc représenté ici, c'est la prière d'ordination, le moment précis où l'abbé Dubois devient archevêque de Cambrai. C'est sur cet objet donc, très mystérieux, et si vous avez des remarques à faire sur cette iconographie, n'hésitez pas, je suis preneur, car les recherches là-dessus ne sont pas encore terminées. C'est sur donc, cet objet qui m'a permis de vous lire un extrait des Mémoires de Saint-Simon que je termine ma communication. Je vous remercie.